Chapitre 16e. Explication. Nous devons expliquer la cause de la mort de Valentin et de la blessure de Guillaume. En apprenant l'humiliante accusation qui pesait sur le jeune gentilhomme, les gouverneurs se regardèrent consternés. Plutôt pour céder aux vœux du peuple soulevé qu'entraîné par leurs propres convictions, ils firent enfermer le chevalier dans les prisons du palais de justice, où, grâce aux menaçants préparatifs de Charles de Bourbon, ils le laissèrent oublier. De Glandves, pourtant, avait protesté hautement contre la déposition de la foule, mais que pouvait-il faire? Marseille, pendant le siège, était gouvernée par le seigneur de Brion. Le moment d'ailleurs n'était pas favorable pour discuter et juger, il fallut attendre. Charles de Mantoue triomphait. Son rival était dans les fers. Craignant que sa victime ne lui échappât, il avait donné des ordres sévères à Valentin pour qu'il gardât à vue le cachot de Dupuget. Catherine, à qui la présence habituelle de son fils auprès des prisons donnait libre entrée dans le palais de justice, avait fini par découvrir la retraite du jeune homme. Elle n'avait pu voir sans émotion la douleur excessive à laquelle s'était abandonnée sa chère Améliane en apprenant l'arrestation du chevalier. Aussi la nuit qui suivit cette importante découverte ne lui apporta-t-elle aucun repos. Devait-elle avertir la jeune fille du sort de Guillaume ou garder impitoyablement son secret? Prévenir Améliane, c'est l'exposer à se perdre. Pour délivrer Dupuget et le sauver, que ne fera-t-elle pas? Se condamner au silence, c'est laisser périr le gentilhomme dont elle connaît l'innocence et mériter plus tard l'indignation de son enfant bien-aimé. Dans cette cruelle incertitude, un projet téméraire se présente à son esprit. « Pourquoi, se dit-elle, ne le sauverais-je pas moi-même ?» Tout occupée de son dessein, elle parvint à tromper la vigilance du geôlier. Elle s'empare des clés et pénètre hardiment jusqu'à Guillaume. Tristement assis sur le gravat du cachot, il s'abandonnait à son muet désespoir lorsque la porte de sa prison s'entr'ouvre sans bruit. Une douce voix de femme prononce ces mots. « Monseigneur, levez-vous et fuyez sans retard. Que la prudence dirige vos pas. » Étonné, agité, le chevalier se relève. Il croit à une illusion, car Catherine est déjà bien loin. Et pourtant ses mains s'appuient frémissantes sur la redoutable porte. Oh, bonheur, elle cède. Il sent son cœur palpiter d'une joie depuis longtemps inconnue. Son âme s'ouvre à l'espérance, comme les fleurs à la bienfaisante rosée du matin. Soudain, la terrible angoisse revient. Moi, fuir? Se dit-il. Oh, jamais. « Mais c'est pour revoir Améliane, » se dit-il ensuite. « Je reviendrai. » À ces mots, il n'hésite plus. Son cœur lui tient lieu de guide. Il franchit la porte fatale. Un moment, il promène ses regards inquiets autour de lui. Il n'entend rien. Il est seul. Il s'éloigne du cachot maudit. Tout à coup, une voix, la voix de Valentin, retentit dans la profondeur des prisons. « Au secours! Un prisonnier s'évade !» Le geôlier accourt. Guillaume l'aperçoit de loin. Comme un criminel, il se glisse dans l'ombre et quand son gardien effaré s'est éloigné de quelques pas, il reprend sa marche précipitée. Il arrive sans accident à la dernière porte intérieure dont il soulève les verrous. Son âme rassurée a tressailli. Mais, oh douleur, une garde nombreuse encombre le vestibule du palais de justice et pour la repousser, son bras vaillant n'a point d'armes. « Ciel, murmure-t-il, ne m'auras-tu conduit jusqu'ici que pour ajouter la honte à mes maux ? » Il dit et s'élance vers les sentinelles surprises. L'alarme est donnée. Les soldats courent aux armes et forment un rempart. Pour le franchir, le malheureux gentilhomme heurte sa poitrine sans défense contre le fer de l'un d'eux. Sa blessure irrite son désespoir et son désespoir lui donne des ailes. Il fuit. Il gagne du terrain sur ceux qui le poursuivent. Bientôt, ils ont perdu jusqu'à la trace de ses pas. Il s'arrête alors, épuisé, chancelant. Il bande lui-même à la hâte sa large blessure. Soudain, sa pensée unique, la pensée d'Améliane, presque oubliée dans sa fuite rapide, traverse son esprit. À ce souvenir, il se relève, et soutenu par une ardeur fiévreuse, il court au palais du gouverneur. Valentin avait bien vu fuir un prisonnier, mais il ne pensait pas que ce fût Guillaume. Néanmoins, heureux de trouver l'occasion de se venger du geôlier, qui ne supportait qu'avec peine sa surveillance dans la prison, il reproche avec amertume sa coupable négligence et l'accuse de perfidie. Celui-ci, furieux, ne répond qu'en provoquant le vénal serviteur de Charles. Une lutte s'engage entre ces deux hommes. Valentin était un terrible adversaire. Le geôlier, quoique moins robuste, ne manquait ni de courage ni d'audace. Aussi, quand il sent que ses forces épuisées l'abandonnent, il tire précipitamment de sa ceinture un poignard à lame effilée qu'il portait toujours et le plonge dans les entrailles du fils de Catherine. Satisfait d'avoir frappé Valentin, dont il redoutait les délations, il s'enfuit et retourne calme à son poste. Au moment où Valentin tombe frappé, une terrible lumière éclaire son esprit. « Charles de Mantoue aura soudoyé mon assassin, » se dit-il. À cette pensée, il rassemble ce qui lui reste de force. « Ma mort sera vengée, » s'écrie-t-il. Il se relève et se traîne jusqu'au cachot du gentilhomme. « Monseigneur du Puget, » crie-t-il. L'écho de la prison répond seul à sa voix. « Monseigneur Guillaume, » répète Valentin, « répondez. Je veux vous rendre l'épreuve de vos droits, que je vous avais enlevés. » Un morne silence succède à son appel. Le complice de Mantoue sent s'éteindre sa voix et s'échapper sa vengeance. Réunissant alors tout ce qu'il reste de force et d'énergie, il trempe dans le sang qui sort avec abondance de sa blessure la pointe de son poignard et trace rapidement quelques lignes sur les papiers du chevalier. Mais en vain, il veut achever, sa main défaillante peut à peine serrer encore les précieux parchemins. Il tombe, épuisé, sur les froides dalles de la prison. Catherine, persuadée que le gentilhomme, une fois libre, volera chez Améliane, retourne pour l'attendre au palais du gouverneur. Quel ne fut pas son désespoir en ne voyant apparaître que le corps sanglant de Valentin qu'on lui apportait.